تخلف الميعاد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والبصار ولفئدة قليلا ما تشكرون. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ومن أعظم نعمائه نعمة الأمن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، خصوصا منهم المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، نستنشق وإياكم في رحاب هذه الجمعة المباركة نفحات من القيم الجمالية، قيم الجمال التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونخص بالذكر اليوم قيمة الآداب العامة، أو قيمة الآداب العامة، ومنطلقنا قول الله عز وجل في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans ce vendredi béni, nous allons, toujours dans la continuité d'une série qu'on avait commencée, la série Convenance, Élégance et Beauté du dernier messager sallallahu alayhi wa sallam et de ses qualités, nous allons aborder aujourd'hui une qualité de notre belle religion, qui est le civisme. Le civisme. Et nous allons partir d'un verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala rappelle les qualités des croyants. Il nous dit les serviteurs du miséricordieux. Il a dit les serviteurs du miséricordieux. Il n'a pas utilisé un autre adjectif ou un autre nom. Parce qu'il y a le fameux hadith تخلقوا بأخلاق الرحمن ولم يقل بأخلاق الجبار أو بأخلاق المتكبر بأخلاق الرحمن parce qu'il nous est demandé justement de nous parer de ces qualités de la miséricorde, de la douceur et de la beauté, et non pas de l'orgueil et de la toute-puissance. Ça c'est Allah tabaraka wa ta'ala, le tout-puissant. تخلقوا بأخلاق الرحمن. Les serviteurs du miséricordieux sont qui ? Nous dit le Coran, ils sont ceux qui marchent sur terre humblement. Et on va voir l'exégèse de ce mot, humblement, hauna. Et quand ils sont interpellés par les ignorants, par les provocateurs qui veulent les provoquer, qu'est-ce qu'ils répondent ? Salam, paix. Ils ne cèdent pas à la provocation. إخوة الإيمان إن ديننا كله جمال كله أناقة كله إحساس بالآخر وإننا مطالبون في كل وقت في كل زمان ومكان أن نمثله أحسن تمثيل أن نكون خير سفراء لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما حللنا وارتحلنا. فبمجرد ما يخرج الإنسان من منزله أو من هذا المسجد فهو السفير، سفير دينه، سفير رسوله. فلينظر أي سفارة، أي سفارة يكون، أو أي سفير يكون، أو أي سفارة يمثل. Tout d'abord, le mot humblement nous renvoie à deux choses dans les exégèses. La première, la qualité de tawadu, l'humilité. Marcher humblement sur terre. Le croyant est humble. Il est humble avec lui-même, il est humble avec les créatures, parce qu'il sait que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a créé. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui l'a privilégié par tous les dons qu'il a, et qu'il n'est pas convenable de se montrer hautain, puisque tu n'as rien. Tout appartient à Allah. Et la deuxième lecture de ce mot haounan, c'est zuhd fi dunya, le détachement de tout ce qui n'est pas Allah. Mais ça veut dire زهد في الدنيا هذا لا يعني انك تترك مسؤوليتك لا ابدا هذا فهم خاطئ للزهد الزهد في الدنيا هو ان يكون الجسد في الحانوت والقلب في الملكوت الجسد في الحانوت والقلب في الملكوت ان تكون مشتغلا بذكر الله عز وجل لا تشغل الدنيا قلبك لا تلوثه وتحول بينه وبين الحق فيتقلب هذا القلب ويزيغ عن الجادة. La deuxième lecture de ce mot humblement, c'est le détachement de ce bas monde. Et ce détachement ne veut pas dire que tu vas abdiquer et que tu vas délaisser ta responsabilité. Non. Cela veut dire tout simplement que tu adores Allah tabaraka wa ta'ala où que tu sois. Et que le monde n'habite pas ton cœur. Non. Le monde n'habite pas ton cœur. Le monde, ce bas monde, ne souille pas ton cœur. Ce bas monde ne voile pas ton cœur. Ce bas monde est une passerelle pour toi. Est un moyen. Et tu fais tout ce que tu fais pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Pour satisfaire à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et tu te consacre d'abord et avant tout à ce qui satisfait à Allah tabaraka wa ta'ala, en sachant que c'est lui le Razzaq, c'est lui qui pourvoit à tout un chacun. Donc tu fais les causes, mais tu ne t'attaches pas à ces causes. C'est très important, c'est ce qu'on appelle l'ascétisme, le vrai sens de l'ascétisme, du détachement. Wa yaqulu 'azza man qa'il fi kitabihi al-'aziz fi sourati Luqman min wasaya لقمان ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير المؤمن والمؤمنة حين يخرج من بيته هو في عبادة له مشيته له أدبه في مخاطبة الناس في كل حركاته والسكنات يمتثل لهاتين الآيتين اللتين ذكرنا تواضع لله عز وجل وجري في مصالح العباد كما سنرى الله تبارك وتعالى ندي dans le verset de Sourat Luqman, dans les conseils précieux de Luqman, et ne détourne pas ton visage des gens par orgueil, et ne marche pas en te dandinant, en te croyant je ne sais qui, car Allah n'aime pas celui qui marche sur terre avec orgueil, et il n'aime pas celui qui s'enfle d'orgueil. Et on a le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentique. La yadkhulu al-jannata man fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. N'entre pas au paradis celui qui a dans son cœur une atome d'orgueil, une atome. Alors un compagnon, il s'est mis à trembler et il dit: Oh messager d'Allah, mais moi j'aime bien que mes chaussures soient belles, que mes vêtements soient beaux. J'aime mettre du parfum. Le prophète il dit: C'est pas ça, ça c'est bien. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah est beau, il aime la beauté. Et il nous donne la définition de l'orgueil, le kibr. L'orgueil, nous dit le prophète, c'est le rejet de la vérité et le mépris des gens. C'est ça l'orgueil. Le rejet de la vérité et le mépris des gens. Waqsid fi mishik. Et sois ferme dans ta démarche. Waqdud min sautik. Et baisse de ta voix. Et baisse de ta voix. Inna ankara al-aswati la sautu al-hamir. Le pire des voix, c'est le brément des ânes. Et le Coran ici nous appelle à l'élégance. Vous voyez, quand on est dans un domaine public, dans un bus, dans un hôpital, on ne peut pas élever la voix comme ça, déranger les gens. Le croyant et la croyante parlent doucement, sauf évidemment pour la science, pour faire, ou le adhan, etc., pour que la voix soit arrive au maximum de personnes. Ça, c'est autre chose. Mais dans la vie de tous les jours, quand on sort de chez nous, il y a un adab, des convenances. Parmi ces convenances, c'est l'humilité, c'est la démarche, c'est baisser la voix. Ainsi, mes chers frères et mes chères sœurs, déjà dans la démarche de la personne, quand il sort, il y a des convenances. Ensuite, quand il est dans la rue, il y a également des convenances. Du civisme, partout le civisme nous suit partout. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de personne. Sayyidouna Mohammed Sallam nous a enseigné le civisme. Écoutez le hadith rapporté authentiquement par Bukhari et Muslim. Il a dit à ses compagnons: évitez la rue, évitez de s'asseoir dans les rues, évitez de rester dans les rues. Ce qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon les hétès. Les hétès, les gens qui passent tout leur temps, le plus clair de leur temps, surtout des jeunes malheureusement, au lieu de faire des choses utiles, ils sont tout le temps dans la rue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit cela. Il a dit non, restez pas dans la rue, il n'y a rien à faire dans la rue. Alors les compagnons ont dit au prophète: oh messager d'Allah, nous ne pouvons pas faire autrement. On veut se voir entre nous. Nos maisons sont assez étroites, on ne peut pas. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: فَإِنْ كَانَ وَلَابُدْ فَأَعَطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. Si c'est vraiment nécessaire pour vous de rester dans la rue, alors donnez à la rue ses droits. Même la rue, elle a des droits. La rue, elle a des droits. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا حَقُّ الطَّرِيقَ. Il dit: c'est quoi ces droits au messager d'Allah? Il a dit: غَدُّ الْبَصَرِ, baissez le regard. Premier droit. Raddu salam, deuxième droit. Répondre au salut. Épargnez les passants de votre tort. Wa amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Et on a déjà vu ce terme-là, en particulier dans un prêche. Plus loin encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith Hassan Sahih: chaque mot aimable est une aumône. Kalima tayyiba sadaqa. Et nous avons plusieurs versets à ce sujet-là. Mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama. Qulu lin-nasi husna. Allah nous dit dans le Coran: dites aux gens une belle parole. Il a dit aux gens, toutes les créatures, toutes les créatures. C'est le Coran. Donc le prophète, en écho à ce verset, il nous dit: toute bonne parole est une aumône. Aider quelqu'un à charger sa monture est une aumône. Un pas en direction de la mosquée est une aumône. Un pas apaisé, pas le stress vers la mosquée. Non, ça c'est pas bien. enlever la souillure ou la saleté de la route est une aumône. Tout cela est une aumône. Donc vous voyez des choses simples. Et dans l'authentique de Muslim, Sayyiduna Muhammad nous dit, j'ai vu un homme jouir de son séjour au paradis parce qu'il avait enlevé un arbre mort qui faisait obstacle au passage dans la route. Il a joui de son séjour au paradis. Allah l'a remercié pour cet acte qu'il a fait, qui est très simple, qui est d'enlever ce qui barrait la route aux gens. Très simple. Quand on voit aujourd'hui des personnes, malheureusement, pour faire la prière, laissent leur voiture n'importe où, se garent n'importe où, et causent par cela de la gêne à tout le monde, et par-dessus le marché, nuisent à l'image de leur religion. Les gens sont en train de les maudire, et de maudire leur religion, subhanallah. C'est pas grave, mon cher frère, ma chère sœur. Garde ta voiture dans l'endroit réservé à cela, paye ta place, et vas-y doucement à la mosquée. Si tu arrives à temps, alhamdoulilah, si tu n'arrives pas à temps, tu rattrapes. Et Allah, il sait, il connaît tes intentions. Donc ça sert à rien de stresser et de causer du tort à autrui. Notre religion est basée sur le bon comportement. Comme on a des obligations culturelles, on a des obligations comportementales vis-à-vis de notre prochain. Faites très attention à ces obligations comportementales, à cette relation avec l'autre, à cette bienveillance avec l'autre, à ces bienséances. وكذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة في هذا الباب والتي حقيقة تبين لنا حضارة الإسلام عظمة الإسلام أناقة الإسلام جمال الإسلام ابتسامة في وجه أخيك صدقة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. Ne sous-estime aucun bien que tu puisses faire, même rencontrer ton frère avec un visage radieux. Sourire au visage de ton frère est une aumône, nous dit le prophète. Le prophète lui-même était souriant, optimiste, tout le temps souriant. Et la science moderne a démontré que le sourire, quand vous êtes souriant, qu'est-ce qui se passe? Vous émettez des ondes positives autour de vous. Et vous ouvrez des portes qui ne pouvaient pas être ouvertes sans ce sourire. Le sourire change tout. Sayyidina Muhammad sallam, il y a plus de 1400 ans, il nous a enseigné cela. Sourire au visage de ton frère est une aumône. C'est ça le civisme de l'islam. Cette bienveillance vis-à-vis du prochain. Plus que cela. La yatanaja ithnani duna wahid. Idha kuntum thalatha, ma rawahu Malik fi Muwatta'ih wa Muslim fi Sahihih wa al-Bukhari fi Jami'ih. لأجل أن ذلك يحزنه يحزنه. شوف رسول الله حريص عليكم حريص عليكم. Il nous dit, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, regardez sa bienveillance vis-à-vis de nous, سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Il nous dit, quand vous êtes trois, ne discutez pas à deux, discrètement à deux, sans le troisième, jusqu'à ce que vous soyez dans le groupe. Parce que cela va le chagriner. Parce que cela risque de le blesser. Vous voyez Sayyidina Muhammad sallam, l'élégance de Sayyidina Muhammad sallam. Quand vous êtes trois, ne discutez pas à deux, sans le troisième. Vous voyez? Des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont malheureusement pas, parce qu'on voit beaucoup de choses qui nous blessent dans nos comportements, dans notre relation avec l'autre, quel que soit l'autre, musulman ou non musulman. Musulman ou non musulman. Voici Abdullah ibn Amr ibn al-As, un des quatre Abdullah qui nous ont transmis la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un voisin juif. Et quand il avait une bête à sacrifier, il ne pouvait manger que lorsqu'il a donné la moitié à son voisin juif. L'élégance. Parce qu'il ne pouvait pas supporter qu'il y ait une odeur qui passe chez le voisin sans que ce voisin puisse avoir sa part. C'est ça, le bon voisinage que le prophète nous a ordonné. Que ce voisin soit musulman ou non musulman. Cette bienveillance, cette bienséance, ce, Bon comportement, c'est un ordre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est pas une option. Qulu linnasi husna. Et pour terminer, même le regard, mes chers frères, mes chers sœurs, même le regard. Man nazara ila akhihi nazrat wuddin ghafara Allahu lahu. ومن نظر إلى أخيه نظرة يخيفه بها بغير وجه حق أخافه الله يوم القيامة. Voyez la beauté. Méditez. Je traduis. Celui qui a un regard d'affection, d'amour envers son frère, Allah lui pardonne par ce regard. Et celui qui jette un regard d'effroi à son frère, sans raison valable, qu'il effraie avec le regard et un regard, eh bien, Allah l'effraiera au jour du jugement. Ça va lui faire peur le jour du jugement. Vous voyez ? Donc, l'islam fait attention même au regard. Hadinu salam, anta tuslimu amraka ila Allah. Wa qalbuka salimun ma'a al-khalq. Fi kulli hal. Allahumma ya arhamar rahimin, idfa'na bima 'alimna. وعلمنا ما ينفعنا وثبت يا أرحم الراحمين قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين وزك نفوسنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين يا رب العالمين. الحمد لله الواحد بلا عدد، الحمد لله رافع السماء بلا عمد، الحمد لله لم يولد ولم يلد، والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه والمقتدي. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنها خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ونحن على أهبة أو في استقبال الشهر الفضيل المطهر شهر رمضان، أوصيكم ونفسي بالاستعداد له حق الاستعداد. الاستعداد له حق الاستعداد، لأنه ضيف عزيز. وكان الصحابة قبل أن يبدأ شهر رمضان يستعدون له بإصلاح ذات البين، بأن لا يكون في قلوبهم ذرة من حقد أو غل للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ونعلم إخوة الإيمان كلنا أن هذا الشهر له مستلزماته، ونحن نتكلم عن الآداب التي ينبغي أن يكون عليه المسلم ليكون حقا ممثل لمولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون مبشر غير منفر. لا بد كذلك أن نذكر بأن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث آخر: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، في رواية والتعب، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مي شيخ خير مي شيخ سور، on a parlé du civisme. Le civisme qui émane d'un comportement altruiste, d'un sentiment positif, bienveillant envers le prochain. C'est-à-dire tu te mets à la place de l'autre. Comme le prophète Salman nous l'a enseigné, que tu aimes la foi, c'est que tu aimes pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Tu te mets à la place de l'autre. Si tu te mettais à la place de l'autre, tu serais dans le civisme que l'islam a ordonné. Quand tu es dans un endroit public, tu feras attention à ce que tu dis, à ne pas élever la voix, à éteindre ton portable. Par exemple, dans ce lieu, je vois encore, malheureusement, certaines personnes qui encore gênent avec leur portable, etc., etc. Donc, tu te mets à la place de l'autre, quel que soit l'autre. Ton confort, tu te dis, mais il y a aussi le confort de l'autre. Donc, c'est ça le civisme. Et ce mois béni de Ramadan approche, on n'est pas très loin de ce purificateur, il a été appelé le purificateur, c'est une station d'approvisionnement. Mais pour profiter pleinement de ce mois béni, les compagnons faisaient des préparatifs. Ce qu'on prépare pour accueillir un invité de marque, un invité d'honneur, un invité très important, une période précieuse, qu'il ne faut pas rater. Et la meilleure préparation des compagnons, nous disait Abdullah ibn Mas'ud, c'est de purifier son cœur de toute haine et de toute rancune vis-à-vis du prochain. On l'avait déjà dit. La haine et la rancune vis-à-vis de votre prochain bloquent l'agrément de l'acte. Ce qu'on veut, c'est que Allah nous accepte. Donc faisons ce travail sur nous-mêmes de réconciliation générale à cette occasion. Et n'oublions jamais qu'il n'y a pas que le jeûne de forme. Il n'y a pas que le fait de s'abstenir de manger, de boire et du rapport charnel du fajr jusqu'au coucher du soleil. Il y a aussi et surtout le jeûne de la langue, de toute mauvaise parole, de tout mensonge, de toute médisance, de toute calomnie, et le jeûne du cœur, le janan. Siyamul lisani wa siyamul janan. Le jeûne du cœur pour que ces maladies ne l'atteignent pas. Ces maladies de la haine, de l'ostentation, de l'orgueil ne l'atteignent pas. Méditons le hadith du prophète où il nous dit « Combien de prières la nuit ne récoltent de cette prière que la veille et la fatigue ?» Et combien de jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim et la soif ? Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala que nous ne soyons pas parmi ceux qui récoltent de leur jeûne que la faim et la soif, mais que de ceux qui récoltent de leur jeûne, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, les mérites innombrables. Allahumma ja'alna mimman yajnuna thimara siyamihim qubul min 'indillahi 'azza wa jalla wa barakatan min 'indillahi 'azza wa jalla wa maghfiratan min 'indillahi 'azza wa jalla wa rahmatan min 'indillahi 'azza wa jalla wa 'itqan min an-nar. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana 'ala ta'atik. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا أرحم الراحمين سرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم سرنا بسرك الجميل. اللهم يا أرحم الراحمين آنس وحشتنا. اللهم يا أرحم الراحمين آنس وحشتنا وارحم غربتنا وارحم غربتنا وارحم غربتنا واغفر زلتنا واستر عورتنا وآمن روعتنا وآمن روعتنا. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. وحد صفوفنا ألف على الخير قلوبنا ألف على الخير قلوبنا أمة سيدنا محمد وحد صفوفها ألف على الخير قلوبها يا أرحم الراحمين. احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. جعلنا نحن خير سفراء لهذا الدين. جعلنا سفراء الجمال. الله تبارك وتعالى face de nous des ambassadeurs de cette belle religion par le beau comportement, par le bel agir, par le sourire, par le civisme. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des ambassadeurs sur la trace de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par l'être et le paraître. Halan wa maqalan. Par l'être et le paraître. Par l'être et le paraître. Qu'on soit les dignes ambassadeurs de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par la beauté de notre comportement. Par l'être et le paraître. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne à notre pays, la France, la paix. Qu'il éloigne de nous toute fitna. Qu'il nous donne la paix et la prospérité, qu'il fasse régner la paix dans le monde et qu'il nous évite toute fitna, qu'il nous évite toute guerre. Ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin, amminna fi awtanina ya arhamar rahimin, ja'al biladana biladaddin, wa rahatan muhtaji wal miskin, wulata umurina ya arhamar rahimin, aslih أصلحهم وأصلح على يدهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. وإحنا يا أرحم الراحمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واختم لنا بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك، اختم لنا بالحسنى وزيادة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأكثروا من الصلاة والتسليم على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. Et n'oublions pas, ce samedi et ce dimanche, on a la visite de médecins et nutritionnistes à cette occasion justement du mois de Ramadan, pour qu'ils nous enseignent un autre aspect du jeûne, de la santé, qui est aussi un patrimoine important. Comme on a répondu aux questions du jeûne concernant le fiqh, la jurisprudence du jeûne, il y a aussi la question de la santé. Nous aurons l'honneur et le plaisir d'accueillir deux grands médecins qui viendront ce samedi et ce dimanche répondre à vos questions, inshallah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin, wa aqimis salat.